사람의 눈치를 에임. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa et le valet qui fit voler ville évadé qui s'envola. Si l'évadé du Nevada s'est évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait qu'on l'y verra. Il voulait tout se lever. Le diva de la diva qui vit l'évadé, ça fallait. Mais quand le valet le villa, il se mit là pour l'éviter. Hey! What a ting, what a ting, ting, ting. What a ting, ting. Ok, on va vite. What a ting, what a ting, ting, ting. What a ting, ting. Je vais tout péter. What a ting, what a ting, ting, ting. What a ting, ting, ting. What a ting, what a ting, ting, ting. What a ting, ting. Ok, on va vite. Je vais tout péter. Tu m'entends? Ok, on va vite. Je vais tout péter. Ok, on va vite. Je vais tout péter. Mon cœur bat vite. Je vais tout péter. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée. Dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader. Sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa. Et le valet qui vit voler, ville évadée qui s'envola. Hey! What a ting, what a ting, ting, ting. What a ting, ting. Mon cœur bat vite. What a ting, what a ting, ting. What a ting ting. Je vais tout péter. What a ting, what a ting ting ting. What a ting ting ting. What a ting, what a ting ting ting. What a ting. Écoutez ça. Bon cœur bat vite. Vite. Je vais tout péter. Tu m'entends? Bon cœur bat vite. Vite. Je vais tout péter. Bon cœur bat vite. Vite. Je vais tout péter. Bon cœur bat vite. Vite. Je vais tout péter. Tu m'entends? C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée. Dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader. Sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa. Et le valet qui vit voler, vit l'évadé qui s'envola. S'envola. Tu m'entends? Je vais tout péter. Tu m'entends?